Activité 29. 1. Bonjour, c'est Madame Lopez, la secrétaire de Monsieur le Directeur. Monsieur le Directeur souhaite une réunion avec l'équipe. C'est urgent. À partir de jeudi, il est en voyage. C'est possible une réunion aujourd'hui? Vous pouvez organiser la réunion? 2. Bonjour, c'est le magasin Nature et Jardin. Nous avons votre CV et votre lettre de motivation. Est-ce que vous pouvez venir à un entretien? Merci de nous répondre par téléphone avant le 16 mai. Bonne journée. 3. Allô? C'est Benoît de l'Agence pour l'emploi. Je vous rappelle votre rendez-vous de vendredi. N'oubliez pas de m'envoyer votre CV pour jeudi au plus tard. Vous pouvez m'appeler si vous avez des questions. Attention, je suis absent mercredi. Au revoir.